Chapitre 22. Convalescence. Comment Jack, tombé malade à la suite de ce triste voyage, fut prisonnier 15 jours aux honnêtes, abandonné aux soins du docteur Hirsch, qui essayait sur ce nouveau madou son mode de médication par les parfums, comment M. Rival vint le délivrer, l'emporta chez lui de vive force, le rendit à la vie, à la santé, ce serait peut-être un peu long à raconter, et j'aime mieux vous montrer tout de suite notre ami Jack, installé dans un beau fauteuil, à une des fenêtres de la pharmacie, avec des livres à portée de sa main et du repos tout autour de lui, un repos rafraîchissant qui vient de l'horizon tranquille, de la maison silencieuse, du pas léger de Cécile, mettant dans son inertie juste ce qu'il faut d'activité pour que le convalescent savoure mieux ses longues journées de complète inaction. Il est si heureux qu'il ne parle même pas, qu'il se contente de tenir ses yeux à moitié ouverts sur cette chère présence, d'écouter l'aiguille de Cécile ou sa plume sur le papier rayé de ses livres de comptes. « Oh, ce grand-père ! Je suis sûre qu'il m'escamote la moitié de ses visites. Hier encore, il s'est coupé 2 fois. Il m'a soutenu qu'il n'était pas allé chez les Goudeloup. Et puis, la minute d'après, il a dit que la femme était un peu mieux. Vous avez dû remarquer cela, n'est-ce pas, Jack ?»« Mademoiselle ?» dit-il en sursaut. Il n'avait pas entendu. Il la regardait, toujours simple, égale à elle-même, gracieuse sans ses enfantillages voulus, ses sautillements des petites filles qui savent que l'étourderie est une grâce et qui la gâtent par l'affectation. En elle, tout est sérieux, tout est profond. Sa voix résonne dans des espaces de pensée. Son regard absorbe et garde la lumière. On sent que tout ce qui entre dans cette âme, que tout ce qui en sort va loin et vient de loin. Cela est si vrai que les mots, cette monnaie courante, usée, effacée, prennent tout à coup, prononcés par elle, une fraîcheur d'empreinte étonnante, comme il leur arrive quelquefois en musique, lorsqu'ils sont enveloppés dans un accord magique de Handel ou de Palestrina. Si Cécile disait « Mon ami Jack », il semblait à Jack que personne auparavant ne l'avait appelé ainsi. Et quand elle lui disait « Adieu », son cœur se serrait comme s'il ne devait jamais la revoir, tellement, avec cette nature réfléchie et sereine, tout prenait un sens définitif. Dans l'état singulier de la convalescence, où l'être faible est si sensible aux influences physiques et morales qu'il frissonne au moindre courant d'air, se réchauffe au moindre rayon, Jack s'impressionnait vivement de tout ce charme. Oh, les bonnes, les délicieuses journées passées dans cette maison bénie, et comme autour de lui tout était bien fait pour hâter sa guérison. La pharmacie, grande pièce presque nue, entourée de hauts placards en bois blanc, ornée de rideaux de mousseline, s'ouvrant au midi sur la fin d'une rue de village et l'horizon des champs moissonnés, lui communiquait son calme sain, ses odeurs fortifiantes d'herbes sèches, de plantes cueillies dans la splendeur de leur floraison. Ici, la nature se mettait à la portée du malade, atténuée, adoucie, bienfaisante, et il en respirait le souvenir avec ivresse. Et la forêt étendait ses arcades de verdure sur le parfum de ses centaurées ramassées au pied de ses grands chênes. À mesure que les forces lui venaient, Jack essayait de lire. Il feuilletait les vieux bouquins de la bibliothèque et parmi eux en retrouvait qu'il avait étudiés autrefois et qu'il reprenait maintenant, mieux disposé à les comprendre. Cécile continuait son travail quotidien. Et, le docteur étant toujours dehors, les deux jeunes gens restaient seuls sous la garde de la petite servante. Il y avait de quoi faire jaser et la présence assidue de ce grand garçon auprès de cette belle jeune fille choquait bien des mères prudentes. Certainement, si Madame Rival avait vécu, les choses ne se seraient pas passées ainsi. Mais le docteur était un enfant lui-même au milieu de ses 2 enfants. Et puis, qui sait ? Il avait peut-être son idée aussi, ce brave docteur. Cependant, D'Argenton, informé de l'installation de Jack chez les Rival, avait pris cela pour une injure personnelle. « Il n'est pas convenable que tu sois là, » écrivait Charlotte à son fils. « Quel air ça nous donne-t-il dans le pays ? On dirait que nous n'avons pas de quoi te soigner. C'est comme un reproche que tu nous fais. » Cette première lettre étant restée sans effet, le poète écrivit lui-même. Lui-même. « J'avais envoyé Hirsch pour te guérir, mais tu as préféré la routine idiote de ce médecin de campagne à toute la science de notre ami. Dieu veuille que tu t'en trouves bien. En tout cas, puisque te voilà sur pied, je te donne 2 jours pour retourner aux honnêtes. Si dans 2 jours tu n'es pas rentré, je te considère comme en révolte ouverte contre mon autorité, et dès ce moment, tout sera fini entre nous. À bon entendeur, salut. » Enfin, Jack continuant à ne pas bouger, on vit arriver Charlotte. Elle vint avec un grand air de dignité, du chocolat plein son sac pour grignoter pendant la route, et une foule de phrases apprises par cœur, soufflées par son artiste. Monsieur Rival la reçut au rez-de-chaussée, et sans se laisser intimider par la réserve apparente de la dame, par le pincement de ses lèvres épanouies et l'effort qu'elle faisait pour contenir sa langue exubérante, lui dit tout d'un trait. « Je dois vous prévenir, madame, que c'est moi qui ai empêché Jack de retourner aux honnêtes. Il y allait de sa vie. Oui, madame, de sa vie. Votre fils passe par une crise terrible de fatigue, d'épuisement, de croissance. Heureusement, il est encore à l'âge où les tempéraments se reforment, et j'espère bien que le sien résistera à cette rude atteinte, si toutefois vous ne le confiez pas à votre misérable Hirsch, à cet assassin qu'il a asphyxié avec de l'encens, du musc, du benjoin, sous prétexte de le guérir. Vous ne saviez pas cela, j'imagine. J'ai été le reprendre aux honnêtes, dans des tourbillons de fumée, parmi des aspirateurs, des inhalateurs, des brûle-parfums. J'ai même fait sauter toute cette médecine d'un coup de pied, et le médecin avec, j'en ai peur. À l'heure qu'il est, l'enfant est hors de danger. Laissez-le-moi encore quelque temps, je me charge de vous le rendre, plus vigoureux qu'auparavant, et capable de reprendre sa dure existence. Mais si vous le livrez à cet affreux droguiste, je penserai que votre fils vous gêne et que vous avez voulu vous en défaire. « Oh, monsieur Rival, que me dites-vous là ? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, pour mériter une pareille injure ?» Cette dernière question amena naturellement un déluge de larmes que le docteur sécha aussitôt avec quelques bonnes paroles. Puis Charlotte, rassérénée, monta voir son Jack en train de lire tout seul dans la pharmacie. Elle le trouva embelli, changé, comme s'il eût dépouillé quelque grossière enveloppe, mais épuisé, alangui par l'effort de sa transformation. Elle était très émue. Lui pâlit en la voyant entrer. « Tu viens me chercher ? Mais non ! Tu es trop bien ici ! Et ce bon docteur qui t'aime tant, que dirait-il si je t'emmenais ?» Pour la première fois de sa vie, Jack pensait qu'on pouvait être heureux loin de sa mère, et le chagrin de partir lui aurait certainement occasionné une rechute. Ils restèrent seuls un moment à causer. Charlotte se laissa aller à quelques confidences. Elle n'avait pas l'air très contente. « Vois-tu, mon enfant, c'est trop d'agitation, vraiment, cette vie littéraire. Nous avons maintenant de grandes fêtes tous les mois. Tous les 15 jours, des lectures. Ça me donne un tracas. Ma pauvre tête, qui n'est déjà pas bien forte, je ne sais comment elle résiste. Le prince japonais de M. Moronval a fait un grand poème, dans sa langue, bien entendu. Voilà qu'il s'est mis dans l'idée de traduire ça vers par vers. Alors, il prend des leçons de japonais, moi aussi, tu penses. Et c'est dur. Non, vrai, je commence à croire que la littérature n'est pas mon fait. Il y a des jours où je ne sais plus ce que je fais, ce que je dis. Et cette revue qui ne nous rapporte pas un sou, qui n'a pas même un abonné. À propos, tu sais ce pauvre bon ami? Eh bien, il est mort. Cela m'a fait une peine. Est-ce que tu te souviens de lui? À ce moment, Cécile entra. Ah, mademoiselle Cécile! « Comme vous avez grandi ! Comme vous êtes belle !» Elle faisait les grands bras, secouait toutes les dentelles de son mantelet pour embrasser la jeune fille. Mais Jack était un peu gêné. D'Argenton, bon ami, pour rien au monde, il n'eût causé de tout cela devant Cécile. Et plusieurs fois, il détourna le babil oiseux de sa mère qui n'avait pas les mêmes scrupules. C'est que, tout en se sentant très tendre pour Charlotte, il mettait à leur place ses deux amours de sa vie. L'un le protégeait, par l'autre il protégeait. Et il entrait autant de pitié dans sa tendresse filiale qu'il y avait de respect dans son premier élan amoureux. On voulait retenir Madame d'Argenton à dîner. Mais elle trouvait qu'elle était restée bien longtemps, trop longtemps pour l'égoïsme féroce du poète. Aussi, à partir d'une certaine heure jusqu'au départ, elle fut inquiète, préoccupée. Elle forgeait d'avance la petite histoire qu'elle raconterait en arrivant pour s'excuser. « Surtout, mon Jack, si tu as à m'écrire, envoie ta lettre poste-restante à Paris. Tu comprends, il est très irrité contre toi en ce moment. Il faut que j'aie l'air fâché, moi aussi. Ne t'étonne pas si tu reçois de moi quelques discours. Il est toujours là quand je t'écris. Souvent même, il me dicte. Tiens, sais-tu, je ferai une croix dans le bas de ma lettre qui voudra dire « ça ne compte pas ». Elle avouait ainsi naïvement combien elle était esclavagée. Et ce qui pouvait consoler Jack de cette tyrannie qui opprimait sa mère, c'était de voir cette pauvre insensée s'en aller si gaie, si jeune, avec sa toilette si bien drapée autour d'elle et son sac de voyage qu'elle portait suspendu à son bras aussi allègrement, aussi légèrement que n'importe quel fardeau qui lui convenût à la vie de l'accablée. Avez-vous regardé quelquefois ces fleurs d'eau dont les longues tiges partent du fond des rivières, montent en s'allongeant, en se recourbant à travers tous les obstacles de la végétation aquatique, pour éclater enfin à la surface en corolles magnifiques, arrondies comme des coupes, embaumées de parfums très doux que l'amertume, la verdeur des flots relèvent d'un goût un peu sauvage. Ainsi grandissait l'amour dans le cœur de ces deux enfants. Cet amour venait de bien loin, de leur plus tendre enfance, de ce temps où toute graine jetée porte un germe et la promesse d'une floraison. Chez Cécile, les fleurs divines avaient monté tout droit dans une âme limpide où des regards un peu clairvoyants les auraient facilement découvertes. Chez Jack, elle s'était arrêtée dans les vases bourbeuses, parmi des plantes inextricables, enroulées autour d'elle comme des liens qui les empêchaient de grandir. Mais enfin, elles arrivaient aux régions d'air et de lumière, se redresser, s'élancer, montrer presque à la surface leur visage de fleurs, où le mouvement de l'onde passait encore légèrement comme un frisson. Il s'en fallait de peu, de bien peu, pour qu'elles s'épanouissent. Ce fut l'œuvre d'une heure d'amour et de soleil. « Si vous vouliez, disait un soir M. Rival aux deux enfants, nous irions tous ensemble demain faire les vendanges au Coudray. Le fermier m'a proposé de nous envoyer sa carriole. Vous vous en iriez tous deux dès le matin, et moi, je vous rejoindrai pour le dîner. » Ils acceptèrent avec joie. On partit par un beau matin de la fin d'octobre, dans un brouillard léger qui semblait s'enlever à chaque tour de roue de la voiture, monter ainsi qu'une gaze en découvrant un paysage adorable. Sur les champs moissonnés, sur les javelles dorées, sur les plantes maigres, dernier effort de la saison, de longs fils soyeux et blancs flottaient, s'attachaient, traînaient comme des parcelles du brouillard remontant. Cela faisait une nappe d'argent filée tout le long de ces plates étendues que l'automne empreint de tant de grandeur et de solennité. La rivière coulait au bas du grand chemin, bordée de domaines anciens et d'énormes massifs d'arbres rougis par l'été disparus. Une fraîcheur répandue, la légèreté de l'air aidaient à la bonne humeur des voyageurs secoués sur les rues de banquette, les pieds dans la paille et se retenant des deux mains aux côtés de la carriole. Une des filles du fermier conduisait un petit âne gris et têtu qui secouait ses longues oreilles, harcelé par les guêpes très nombreuses à cette époque de l'année où la récolte des fruits éparpille dans l'air de doux parfums. Et l'on trottait, l'on trottait. Étiole, Soisy, défilaient de chaque côté de la route avec ces hasards de points de vue qui sont les bonheurs du voyage. Le pont de Corbeil traversé, à quelques kilomètres de la petite ville, en suivant le bord de l'eau, on entra en pleine vendange. Sur les coteaux descendant à la Seine, une nuée de travailleurs s'était abattue, cueillant, défeuillant avec ce bruit de grêle que font les vers à soie dans leurs branches de mûrier. Jack et Cécile saisirent chacun un panier d'osier et, à l'aventure, coururent au travail. Oh, le joli endroit! Le rustique paysage entrevu parmi les cèpes, la Seine étroite, tournante, pittoresque, pleine d'îlots toujours verts, quelque chose comme une miniature du Rhin près de Bâle, la chute d'un barrage non loin de là, avec son bruit d'eau, ses tourbillons d'écume, et sur tout cela, le soleil qui montait dans une brume dorée, à côté d'un mince croissant blanc, mettant dans cette belle journée la menace des nuits plus longues et des feux de bonheur allumés. En effet, ce jour si beau fut bien court, du moins Jack le trouva bien court. Il ne quitta pas Cécile d'une minute, eut tout le temps devant les yeux son chapeau de paille à bords étroits, sa jupe de percale fleurie et son panier qu'il emplissait des plus belles grappes soigneusement cueillies, entouré de cette buée fraîche, fragile comme la poussière des papillons, qui fait le grain transparent à la façon d'un verre dépoli. Ils regardaient ensemble cette fleur du fruit. Et quand Jack relevait les yeux, il admirait sur les joues de son ami, au coin des tempes, de ses lèvres, un duvet pareil, une poudre aussi fine, une illusion de tous les traits, ce que l'aube, la jeunesse, la solitude laissent aux grappes qui tiennent à l'arbre et aux cœurs qui n'ont pas encore aimé. Les cheveux de la jeune fille, légers et soulevés par l'air, ajoutaient à cette apparence vaporeuse. Jamais il ne lui avait vu une physionomie aussi épanouie. L'exercice, l'excitation de son joli travail, la gaieté communiquée dans toute la vigne par les appels, les chants, les rires des vendangeurs, avait transformé la tranquille ménagère de M. Rival. Elle redevenait l'enfant qu'elle était, courait sur les pentes, portait son panier sur l'épaule, son bras relevé, son visage si pur, attentif à l'équilibre du fardeau, avec cette démarche rythmée que Jack se souvenait d'avoir vue aux femmes bretonnes, transportant l'eau sur leur tête à pleine cruche et voulant concilier la hâte de leur allure et la retenue nécessaire à la charge qu'elles soutiennent. Il vint un moment pourtant dans la journée où la fatigue fit asseoir les deux enfants au bord d'un petit bois fleuri de bruyères roses, tout crépitant de feuilles sèches. Et alors ? Et alors ? Eh bien, non, ils ne se dirent rien. Leur amour n'était pas de ceux qui s'avouent et se formulent aussi vite. Ils laissèrent le soir descendre mystérieusement sur le plus beau rêve qu'ils eussent fait de leur vie, enivrant, rapide, parfumé de nature, et auquel un prompt crépuscule d'automne vint donner tout à coup un charme d'intimité, en allumant de place en place sur l'horizon des fenêtres ou des seuils invisibles qui faisaient penser à des retours dans des logis pleins d'êtres aimés. Comme le vent fraîchissait, Cécile voulut absolument mettre au cou de Jack un capuchon de laine qu'elle avait emporté. La douceur du tissu, sa tiédeur, sa senteur de parure soignée, ce fut comme une caresse qui fit pâlir l'amoureux. « Qu'avez-vous, Jack ? Vous souffrez ?»« Oh non, Cécile, jamais je n'ai été si bien !» Elle lui avait pris la main. Mais quand elle voulut retirer la sienne, il la retint à son tour, et ils restèrent là, un moment, silencieux, les doigts enlacés. Ce fut tout. Quand ils descendirent à la ferme, le docteur venait d'arriver. On entendait en bas dans la cour sa bonne voix franche et le roulement de la voiture qu'on dételait. La fraîcheur des soirées d'automne a une poésie que Cécile et Jack savourèrent en entrant dans la salle basse où flambait le feu du souper. la nappe grossière, les assiettes à fleurs, le fumet vigoureux d'un repas de paysan, tout contribuait à la rusticité de la fête, terminée au dessert par un écroulement de raisins sur la table, des allées et venues de la salle à la cave et une dégustation générale des crus anciens et nouveaux. Jack, tout occupé de Cécile, qu'on lui avait donnée pour voisine, témoignait un profond dédain pour les bouteilles poussiéreuses arrivant du cellier. Le docteur, au contraire, appréciait fort cette bonne habitude des repas de vendange. Il l'appréciait même tellement que sa petite fille se leva sans bruit, fit atteler, s'enveloppa de son manteau, et que le brave père rival, en la voyant toute prête, sortit de table, monta en voiture, prit les guides de sa bête, laissant son verre à moitié plein sur la table, au grand scandale des convives. Ils s'en revinrent tous trois, comme autrefois, par la solitude de la campagne, un peu plus serré seulement dans le cabriolet qui n'avait pas grandi, lui, et qui faisait maintenant sur les chemins une petite sonnerie de ressort usée jusqu'à l'âme. Ce bruit n'ôtait rien, du reste, au charme de la course, que les étoiles, si nombreuses en automne, suivaient de haut comme une pluie d'or suspendue dans l'air vif. On longeait des murs de parc débordant de branches frôleuses, terminés le plus souvent par quelques petits pavillons mystérieux, toutes persiennes closes, comme s'il eût enfermé le passé dans son ombre. De l'autre côté, on avait la Seine, où les maisons d'éclusiers étaient seules éclairées et où glissaient avec lenteur, confiés au courant, de longs trains de bois, des chalands, dont les feux allumés à l'avant et à l'arrière brûlaient silencieusement, reflétés par le flot. « Tu n'as pas froid, Jack ?» disait le docteur. Comment aurait-il eu froid ? Le grand châle de Cécile le touchait de ses franges, et puis il y avait tant de soleil dans ses souvenirs. Hélas, pourquoi faut-il un lendemain à ces journées merveilleuses ? Pourquoi faut-il que la vie vous reprenne aux rêves ? Jack savait maintenant qu'il aimait Cécile, mais il sentait encore que son amour le destinait à toutes les souffrances. Elle était trop haut pour lui, et quoi qu'il eût bien changé en vivant à ses côtés, quoi qu'il eût dépouillé un peu de sa rude écorce, il se sentait indigne de la jolie fée qu'il avait transformée. L'idée seule que la jeune fille avait pu deviner sa passion le gênait auprès d'elle. D'ailleurs, la santé lui revenait, et il commençait à se sentir honteux de ses longues heures d'inaction dans la pharmacie. Cécile était si vaillante, si travailleuse. Que penserait-elle de lui s'il continuait à rester là ? Coûte que coûte, il fallait partir. Un matin, il entra chez M. Rival pour le remercier et lui faire part de sa résolution. « Tu as raison, lui dit le bonhomme. Te voilà fort, bien portant, il faut travailler. » Avec le livret que tu auras vite trouvé de l'ouvrage. » Il y eut un moment de silence. Jack se sentait très ému et aussi un peu gêné par la singulière attention avec laquelle M. Rival le regardait. « Tu n'as pas quelque chose à me dire ?» lui demanda le docteur tout à coup. Jack, rougissant, décontenancé, répondit. « Mais non, M. Rival !»« Ah ?» Je croyais pourtant que quand on était amoureux d'une brave enfant qui n'a plus pour parent qu'un vieux bonhomme de grand-père, c'était à lui qu'on devait la demander. Jack, sans répondre, cacha sa figure dans ses mains. Pourquoi pleures-tu, Jack? Tu vois bien que tes affaires ne vont déjà pas si mal, puisque c'est moi le premier qui t'en parle. Oh, monsieur Rival, est-ce possible? Un misérable ouvrier comme moi! Travaille à ne plus l'être. On peut sortir de là. Je te dirai comment, si tu veux. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Vous ne savez pas le plus terrible. Je suis... Oui, je sais, tu es bâtard, dit le docteur très calme. Eh bien, elle aussi. Bâtarde et quelque chose encore de plus triste que cela. Approche-toi, mon enfant, et écoute.